c'est à notre tour de les encourager. Espace sans mesure, anti-tube, pêche, programme d'encadrement clinique et d'hébergement, La Rotonde, Société de la Rivière Saint-Charles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Vous écoutez CKRL 89.1. Hello, this is Jerry Cotullo from OAK, Oscillazioni Alchemico-Creative. I'm very happy. Bonsoir! Et non, vous n'avez pas la berlue. Bruno et Michel, ce soir avec vous jusqu'à minuit. C'est notre retour en studio. Je suis très content d'être de retour, d'ailleurs. J'avais surnommé mon ordinateur Bruno, mais il n'est pas aussi jasant que Bruno, le metteur en onde. Et donc, bien content de le revoir ce soir et bien content de vous retrouver. Ce soir, on a une émission spéciale. On a un premier bloc d'une heure avec le groupe italien Oak qui va lancer un disque en septembre, Nine Witches Under the Walnut, A Walnut Tree. Et on en a profité pour rapprocher notre ami Jerry Cotullo pour un petit spécial d'une heure. Et ces disques ne sont pas faciles à trouver. Bien sûr, tout le monde, la plupart l'ont découvert avec Giordano Bruno. Et il y a d'autres choses avant et on va vous en faire découvrir ce soir tout de suite. Et on accueille aussi notre ami Jerry Cotullo. Hello, this is Jerry Cotullo from OAK, Oscillazioni Alchemico-Creative. I'm very happy to be on Terra Incognita Radio with DJ Michel Bilodeur. So let's start with the first song called My Old Man. I wrote this song when my father died, and I was playing with David Jackson at the time, and we got on very well because sadly his mother passed away on the same month, so we shared a kind of empathy. Hurry, so take a rest. Can't you hear what your son is doing? Is what he dreamed, growing through the years. I still remember when you cried after being lost in the countryside. Now I hear your voice again, calling me out loud when the sun goes down. No one else around. Thank you. time for everything. You had yours, qualities and sins. But in the end, you gave me all you had. You do it once again. It's what the song might pretend. Thank you. Oh! Holy Bells. I was in Switzerland back in 2015 and I was recording with producer Marco Viale, and I was ready to travel to England to play the Crop Ready Festival with Martin Alcock from Jethro Tull. So I wrote this song later about friendship. Semplici momenti, tre amici in arte noi, verso nord a mezzanotte, riflessa con i suoni. Sole, Leontica e la valle, wanderer sui miei sentieri, di lontananze folle. Scava nell'anima. gialle spiagge di Harlech. Pathnadog Elso graveyard. La danza in chiesa sol here. Poi crop di canal. Song Closvinda from the forthcoming album Nine Witches Under a Walnut Tree, out on 9th of September. Coming from southern Scandinavia, the Longobards settled in the Sanyo territory, giving rise to the Duchy of Benevento. Under the magic walnut tree, Closvinda evokes their deeds, wielding the sword of her ancestors.

the song from Giordano Bruno, Campo de Fiori, 17 February 1600. The prison door slams shut, shattering the silence. Guards gag the heretic Giordano Bruno, locked up in the Inquisition prison, so that there will be no voice or scream challenging the silence on the way to Campo de Fiori, where awaits the stake, the flame, and his destiny. Thank you. another song from the new album, Nine Witches Under a Walnut Tree, Donna Prudencia. She was an herbarium and a midwife, but they call her a witch. Prudencia arrives in Benevento, holding a book in her hands, the Malleus Maleficarum. Within a circle of black candles, Prudencia set fire to that cursed book. Concupiscente prudenza, tira giù il velo muliebre a nascondere la tua bellezza. Campana incenso stasera, infanticidi, accuse grevi nella città di Billera. Superstizione e rabbia per una putta guasta il corpo di seccato, toccato dalle streghe, da un diavolo. Hai un brivido, fochetta, lungo entro lì, sul davanzale del cammino. E tardi il vento buono, troverai luce e volerai via dal tuo destino. Forte, con gli occhi fulvi e una tempesta il cuore, vai verso fuochi amici e danzi sulla cenere. Candele nere sul libro accosto, Corpus Iuris, maledetto, istitori scrive misogini e potere, mai brucia martello di strega, brucerai mai il mio orgoglio di eretica. Mostraci il punto prudenza e le tue formule di cui sai maneggiar di bocca. Sei la mia deprecata, incubo, negromante apostata interdetta. A notte tarda ti hanno vista lungo il fiume con il spento, scapigliati ancora il ventre nudo e caldo. Candele nere sul libro accosto, Corpus Iuris, maledetto, istitori scrive misogini e potere, ma to thank Michel Bilodeau and all the staff of Terra Incognita Radio. And I wish to meet you at one of your festivals one day, perhaps, maybe. Frog on, my friends, and thank you. CKRL. CKRL. Choisir ericlamirande.ca, c'est miser sur l'expertise de Éric Lamirande ainsi que sur son équipe de collaborateurs professionnels. On vous offre des services de consultation, accompagnement et formation dans les domaines suivants: marketing web et réseaux sociaux, commerce électronique, virage numérique et outils technologiques d'affaires. Pour les travailleurs autonomes, les petites entreprises, les organismes et l'économie sociale. Notre but, vous aider à avancer et vous rendre plus autonome. Contactez-nous au 418 454 1019 ou à ericlamirande.ca. C'est le retour du cinéma en salle dans les cinémas Le Clap Sainte-Foy et Loretteville. Surveillez nos nouveautés et voyez ou revoyez certains classiques sur grand écran. Deadpool, Baby Driver, Au nom de la Terre, Sam Sam, Journal de Bolivie, Psychose et Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock. Éclatez-vous avec le clap à la maison, avec notre service en livraison ou pour emporter. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Et de retour. Pour ceux qui seraient curieux de savoir un peu ce qui a joué pendant le spécial Hawk, ben, vous pouvez regarder demain là, sur Facebook, si Marc a le temps de le mettre, là, sur la page de Terra Incognita. Je peux vous nommer les albums. C'est des extraits de 4 albums, Viandanze, Eresis Stratum, Nine Witches Under a Walnut Tree, et puis Giordano Bruno. Nouveauté italienne qu'on vous présente à l'instant. Le disque sort en mars, février-mars. Ça sera le 8e album de la formation italienne Sin Dawn, qui aura pour titre Kama Sutra. Et on va écouter une pièce en grande première, Into the Karma. De Kama, pas le Karma, le Kama, Kama Sutra. Avec le groupe a invité une chanteuse du nom de Annie Barbaza qui a collaboré avec Greg Lake et s'est enregistré à Budapest avec le Budapest Scoring Symphony Orchestra, donc une grande exclusivité pour Terra. Une première pièce de l'album de Sin Dawn, bien des mois avant le temps, on écoute Sin Dawn. Whole dimension. boy. Tips me to my sleepless dream. Consciousness is a scar that I feel about the dream. Come back home to me. Time is overflowing. Rush through a dream. Listen to your mind delayed. Coming home to scenes. An even slower reaction. I want to live a dream. Tomorrow me. The moment's now so far. My body's lost, my mind's so trying to remember who I am. Without regrets, my journey began. soffiano dal Baltico impetuosi venti contro Pietroburgo. Le acque della Neva si innalzavano impetuose contro il mare. Sopra i tetti e per le strade quel gran vento di novembre si accaniva contro gli uomini. E tu, culla degli zar, tremi sotto i duri colpi dell'ibeccio di novembre. Cieli e dalle tue ormai fredde foreste apro le finestre a un inverno che oramai senti vicino. Thank you. KRL. Dans le transport en commun, je porte mon masque. Je le fais pour les autres, ceux qui m'entourent, ma famille, mes amis, les gens de mon quartier. Je le fais parce qu'on a tous un rôle à jouer envers notre communauté, envers ceux qu'on aime. Parce que la COVID-19 est toujours là. Faut pas lâcher. Faut continuer de bien se protéger. Face à un virus aussi tenace, en transport en commun, on doit tous porter le masque. Tous contre un, tous contre la COVID-19. Un message du gouvernement du Québec. La COVID-19 est un virus extrêmement contagieux. Mais on peut freiner sa transmission sans freiner ses envies de voir des gens. Quand on invite son entourage à la maison, au chalet, c'est 10 personnes maximum, c'est 2 mètres de distance entre les gens. Ce sont des verres, des assiettes identifiées. C'est éviter de partager les objets. C'est se laver les mains régulièrement pendant au moins 20 secondes. C'est nettoyer les surfaces communes. Puis, c'est demeurer vigilant. Le virus est toujours présent. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Et de retour, on va jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Croyez-le ou non, tout juste avant les messages d'intérêt public, c'était Rick Wakeman qui nous arrive avec un excellent album de Red Planet. Le disque devrait être disponible fin août. Avant ça, on avait une formation italienne, Tugs, de l'album Europa Minor, une autre formation italienne, Yana Draca, de l'album Where the Journey Begins, et on avait donné le coup d'envoi avec Sindon, un premier extrait d'un album à venir en février ou mars 2021. C'est une petite primeur, Terra Incognita. L'album va s'appeler Kama Sutra et c'était la pièce Into the Karma. Dernière demi-heure déjà, ça passe vite. On va aller faire un tour dans le coin de l'Outaouais. Un groupe québécois qui nous arrive avec un premier album, Code. Je vais le dire en anglais parce que le titre est en anglais, Human Error. Donc c'est Code 18 qui nous arrive avec un premier essai qui a pour titre Human Error. Et puis, je vous reviens tantôt, on a de la musique jusqu'à minuit encore, dernière demi-heure avec Michel et Bruno. Slide this light so bright.

c'est un groupe franco-britannique qui nous a livré ce petit jam prog jazzy, un petit même un brin floydien quand même avec la guitare, c'est plus 33 de leur premier album Open Windows. Tout juste avant, on avait Fatal Fusion de Norvège avec Total Absence et on avait donné le coup d'envoi avec un groupe québécois Code 18 avec l'album Human Error. C'est déjà le temps de vous quitter. Et oui, c'est notre première. On était bien contents, Bruno et moi, de se retrouver pour Terra Incognita. On va vous laisser avec une pièce d'un groupe allemand des années 70. Une façon de faire le lien et un clin d'œil là, à Vincent qui s'en vient avec l'autoroute. C'est le groupe Schick für Furing, l'album Sunburst. Je vous invite évidemment à visiter la page Facebook de Terra Incognita et de vous abonner. Vous allez recevoir plein de nouvelles. Et puis, ben écoutez, on se revoit la semaine prochaine, effectivement. Restez des nôtres, donc, avec Vincent, c'est l'autoroute. Thank you.